L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Johan Bourgeois, bonjour. Vous êtes artiste associé à la MC2, je crois que c'est la Maison de la Culture de Grenoble, c'est bien ça? Tout à fait. Acrobate, acteur, jongleur, danseur, mais plus encore joueur avant tout. C'est comme ça que vous vous présentez? Oui, c'est comme ça que je me définis, ou plutôt c'est une manière un peu malicieuse de m'indéfinir plutôt. Oui. Certains pourraient vous qualifier comme un danseur d'acrobatie. Est-ce que c'est une bonne présentation? Je sais pas. Non, je crois pas. C'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu découvrir de votre travail et dans la présentation qui en est faite, ça serait un raccourci qui ne correspondrait pas tout à fait à la réalité. Si ce n'est que jouer, être joueur, c'est une approche de votre travail qui n'est pas simplement théâtral. Je crois que vous êtes passé par le cirque, la danse, la musique. Aujourd'hui, comment vous pourriez définir votre travail ? Est-ce de la danse et de l'art circassien ou c'est encore autre chose? Non, moi je travaille une matière qui me semble être proprement circassienne, dans le sens où elle remet en jeu les forces élémentaires, les forces physiques élémentaires. Vous travaillez entre l'équilibre, le déséquilibre, c'est un peu ça. 6 interprètes sur scène, je lisais 3 garçons, 3 filles, sorte d'humanité minimale pour une instabilité maximale. C'est un bon résumé? Oui. On a mis sur ce plateau en effet une petite humanité minimale. Il m'a semblé que 6 personnes pouvaient être ce minimum-là. En dessous, ça aurait été un groupuscule. Et puis on a contraint ce plateau par des contraintes donc physiques élémentaires, comme je disais tout à l'heure. On a fait tourner ce plateau très vite, on l'a fait se balancer, on l'a mis en équilibre. Bref, on a réintégré toutes les énergies du cirque classique, en fait, donc en contraignant ce plateau. Et puis, notre première consigne, c'était essayer de tenir debout, malgré les contraintes. Donc s'organiser individuellement ou collectivement pour réussir à résister et tenir. Et on s'est émerveillé de la puissance éloquente de cette première consigne. En effet, il est question d'un travail de recherche. Je crois que vous êtes dans une forme d'approfondissement de ce travail engagé par votre compagnie depuis plusieurs années. Et vous parlez de poétique de la déconstruction ou d'une recherche d'un type de rapport particulier, à savoir la non-manipulation. Comment ça se traduit très concrètement dans votre travail de création? Alors, en fait, moi, j'étais jongleur. Hein. C'est la première chose que j'ai appris, le jonglage. Et des fois, on taxe les jongleurs de manipulateurs d'objets. C'est Or, vrai. Moi, ce que j'ai cherché, c'est précisément exactement l'inverse. C'est-à-dire trouver un rapport qui ne soit pas celui d'un rapport de force ni d'une manipulation, mais plutôt un endroit d'équilibre. C'est-à-dire laisser une chance à l'objet que lui ait une incidence sur moi, de le laisser parler en quelque sorte. Mmh. Alors aujourd'hui, je travaille plus avec des objets de jonglage, mais je crée des scénographies qui remettent en jeu des forces élémentaires comme la gravité, etc. Ce que je découvrais, ce que je touchais avec le jonglage. Et c'est exactement le même rapport que je continue de développer, mais non plus avec des objets de jonglage, mais avec des environnements contraignants pour l'homme. Oui. Dans le processus artistique qui est présenté, vous parlez de prouesse et poétique de l'abandon. C'est un peu ça ce qu'on peut découvrir sur scène? Oui, parce qu'il n'est pas question tellement de démonstration spectaculaire. Pas de performance. Pourtant, pas de performance. Non, il y a quand même une forme de performance, mais elle n'est pas démonstrative. D'accord. Il y a des prises de risques, mais ces prises de risques nous intéressent uniquement parce qu'elles sont éloquentes et théâtrales, qu'elles sont très, très fortes en termes de théâtralité, et non pas pour montrer en quelque sorte au premier plan notre virtuosité. Même s'il y a une forme de virtuosité quand même, mais c'est pas elle qu'on donne à voir. Elle est au service de quelque chose. Donc, on est entre danse. Est-ce que c'est de la danse théâtralisée? Est-ce que vous faites appel effectivement aux arts circassiens finalement C'est toujours un objet non identifié sur le plan artistique. Peut-être non identifié avec vos catégories dominantes, mais alors dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est un objet hybride à la lisière du siècle de la danse et du théâtre, en effet. Et les six interprètes interagissent ensemble, jouent ensemble. Je crois que c'est aussi un des éléments de votre travail de recherche, le jeu, mais le jeu au sens le plus large du terme, y compris sur l'idée de jouer ensemble. Oui, il y a une très grande solidarité entre les six interprètes, puisqu'il y a des prises de risques collectives. Donc il s'agit toujours de très très grande écoute entre eux. Et je préciserai aussi que dans ce travail, dont on parlait de non-manipulation tout à l'heure, les interprètes jouent autant qu'ils sont joués. Juste quelques mots pour nous décrire, est-ce que cela signifie un dispositif scénique particulier pour que chacun puisse s'exprimer justement? Ben en fait, le dispositif physique est très simple. C'est un grand plateau en bois carré qui fait 2 tonnes et qui est mis en mouvement par différentes contraintes physiques. Ce plateau en bois va tourner très vite, va se balancer, va être en équilibre, va se retourner, voilà, par un certain nombre de mécanismes. Très bien. Dernière chose, je lisais avec intérêt votre dossier de presse, celui de la compagnie, où vous parlez d'éthique de la compagnie. Et dans le texte, j'en extrais un passage sur lequel j'aimerais effectivement avoir votre regard ou votre explication. Tant que l'art pourra continuer à se réinventer ici, une paix subsistera et préservera des arrogances. Le vivant, c'est ce dont on ne finit jamais de faire le tour. C'est vrai que par les temps un peu tumultueux où la culture est souvent mise à mal dans notre pays, ça m'intéressait effectivement de vous entendre sur cette notion d'éthique. Alors, tout à l'heure, je parlais de rapports de non-manipulation que j'entretenais avec les objets, que j'avais découverts dans le jonglage. Ceci constituerait peut-être le premier plan de mon travail qui serait au niveau d'une pratique. Voilà. Mais il y a un autre niveau qui me semble autant, voire plus important en effet aujourd'hui, qui serait peut-être un niveau esthétique ou politique, qui serait non plus le rapport de non-manipulation que j'entretiens avec les objets, mais le rapport que je cherche à établir avec les spectateurs. Et cette recherche de non-manipulation ou d'équilibre ou de suspension, en tout cas un rapport qui défie le pouvoir, c'est quelque chose qui est à la base de la poésie que je cherche à développer dans le rapport au spectateur. Ça me paraissait utile de partager votre point de vue auprès de nos auditeurs, eux-mêmes spectateurs, je l'espère, pour les deux représentations qui sont programmées à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise, les vendredis 18 et samedi 19 décembre prochain à 20h30. Un grand merci à vous, Johan Bourgeois. Merci beaucoup. Merci.